Et oui, l'effet placebo est aussi vieux que l'histoire de la médecine. On en trouve des traces dans l'Égypte antique et jusqu'à Corvisart qui, paraît-il, soignait ses patients avec de la mie de pain. Si aujourd'hui on en connaît un peu mieux les tenants et les aboutissants, notamment en termes de neuroimagerie et d'influence sur différents neurotransmetteurs, cet effet placebo reste encore mal compris alors qu'il est au centre du procédé d'évaluation d'efficacité des médicaments. Sans parler de son opposé, l'effet nocebo, amplifié par des recherches internet un peu trop rapides, qui nous font parfois développer tous les symptômes de pathologies imaginaires. Effet placebo, le morceau de sucre qui aide la médecine à couler, c'est le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour essayer de comprendre les mécanismes à l'œuvre derrière ces effets placebo et nocebo, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui François Chaste. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pharmacien des hôpitaux, président honoraire de l'Académie nationale de pharmacie, et Didier Boissira. Bonjour. Bonjour. Vous êtes neurologue, directeur de l'unité INSERM 987, physiopathologie et pharmacologie clinique de la douleur à l'hôpital Ambroise Paré à Bihun-Billancourt. Vous pouvez nous écouter, eh bien, comme chaque jour, en direct sur les ondes de France Culture, en différé sur votre application de podcast favorite, et puis comme à chaque fois, en complément via notre fil Twitter, @laméthodefc, où nous allons poster tout au long de l'heure, comme d'habitude, des études et des références qui seront abordées au cours de notre conversation. Et pour commencer, eh bien, quand on peut parler d'effet placebo, quels types d'affections également sont concernés par cet effet placebo? Écoutez l'avis qu'en avait Philippe Pignard, qui en 1995 s'exprimait sur France Culture dans l'émission « La science et les hommes ». Je crois qu'on a des guérisons inexpliquées ou des effets placebo dans toutes les pathologies. C'est-à-dire qu'on ne peut pas distinguer les pathologies où il n'y aurait pas de guérison inexpliquée, où il n'y aurait pas d'effet placebo, des pathologies où il y en aurait, qui seraient d'un côté les pathologies, psychosomatiques et psychiques. Ça, c'est faux. Je crois qu'on prend des maladies très organiques et on a un effet placebo, un taux de guérison par effet placebo. Et c'est pour ça que l'épreuve décisive pour tout médicament, c'est de battre le placebo. C'est-à-dire d'avoir des résultats qui sont statistiquement supérieurs à celui obtenu. Donc c'est une vraie épreuve pour le médicament. Un médicament qui franchit cette épreuve-là, il a vraiment, d'une certaine manière, démontré une utilité sociale importante. Voilà ce qu'en pense donc Philippe Pignard en 1995. Guérison inexpliquée, c'est un peu pour cette raison qu'on a choisi cette archive. Est-ce que on peut parler de guérison inexpliquée pour l'effet placebo, selon vous, François Chaste? En réalité, on dispose aujourd'hui d'explications à un certain nombre de guérisons. Mais je crois qu'il faut revenir sur la définition du placebo, qui est théoriquement une substance inerte, donc qui ne contient pas en elle-même d'efficacité thérapeutique, pharmacologique. Et donc, ce que l'on attend en réalité lors de la guérison après un placebo, c'est que l'évolution naturelle des choses, de la physiologie, l'évolution naturelle de la maladie, conduit à une guérison. Une pneumopathie infectieuse, souvent guérie par elle-même. Un état grippal, sans médicament, guéri par lui-même. Et donc, il y a quand même, au-delà de ce que disait Philippe Pignard dans l'extrait d'archives que vous venez de diffuser, au-delà de cela, il y a quand même en médecine des maladies qui ont naturellement une évolution favorable et d'autres maladies pour lesquelles il faut bien dire que, je prends l'exemple du diabète, on a quand même peu de diabètes qui, une fois déclarés, guérissent par eux-mêmes. Didier Boissira, votre opinion sur cette archive? Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, en fait, par notre collègue Pignard, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup, l'effet placebo, ou des guérisons, ou des améliorations inexpliquées, on en a dans absolument tous les domaines. Donc, il n'y a pas de spécificité. Et comme il l'a très bien dit, ce n'est absolument pas un signe de maladie psychique, psychologique, ou c'est pas l'apanage des maladies psychiques ou psychologiques, qui sont de vraies maladies, bien entendu. Et on peut observer des effets placebo ou des guérisons apparemment inexpliquée, même si aujourd'hui on explique quand même beaucoup de choses en matière de compréhension de l'effet placebo. On peut avoir ces phénomènes-là dans n'importe quelle pathologie, y compris les plus organiques, y compris les plus physiques, y compris le cancer et autres. Donc on peut avoir des phénomènes qui sont apparemment inexpliqués dans beaucoup de ces pathologies. Ce qui, voilà, c'était sur cette question-là qui était intéressante, parce qu'effectivement, quand on parle d'effet placebo, il faut bien distinguer ce dont on parle, parce qu'il y a différents types qui peuvent être des effets apparentés et qui ne correspondent pas tout à fait à l'effet placebo. L'effet placebo, vous l'avez dit, François Chaste, c'est vraiment prendre une substance inerte et observer une guérison. Mais par exemple, il faut aussi peut-être élargir un peu le simple fait parfois d'aller consulter, constitue peu les premières pièces, entre guillemets, d'un effet placebo. On peut parler d'effet placebo juste dans l'acte d'être pris en charge par quelqu'un en qui on a confiance. Balint, qui a été un personnage important dans l'histoire de la médecine au XXe siècle et qui a introduit dans la conception de la consultation médicale une vision psychanalytique de la relation entre le patient et son médecin, disait que le vrai médicament pour un malade, c'est le médecin. C'est d'abord le médecin. Et vous avez de très bonnes chances pour qu'un médecin peu dynamique, peu persuasif, peu charismatique, soit de toute façon, même s'il prescrit de bons médicaments, un mauvais prescripteur. Le patient attend d'un médecin une empathie, un enthousiasme, une volonté de guérir, d'avoir une approche positive à l'égard de la maladie, qui fait que, effectivement, si on n'a pas cette relation privilégiée entre le patient et son médecin, ou entre le médecin et son patient, on risque d'avoir une médecine qui échoue. C'est important de comprendre que l'effet placebo démarre au moment où le patient franchit le seuil de la porte de la consultation. Et une bonne part de l'efficacité d'un traitement, quel qu'il soit, hein, parce qu'il faut bien comprendre que l'effet placebo ne se limite pas aux médicaments. L'effet placebo se retrouve dans toutes sortes de traitements. Et il est d'autant plus important que le traitement est considéré comme invasif. Par exemple, la chirurgie entraîne un effet placebo bien supérieur à celui des médicaments. Donc effectivement, dans tout acte médical, il y a une part de ce qu'on appelle des effets non spécifiques qui sont liés à la relation, à la communication entre le patient et son médecin. Comme l'a très bien dit François Chaste, ça passe par l'empathie, par l'écoute, etc. Et là, le charisme aussi du médecin. Et c'est ce qui fait, c'est ce qu'on appelle un bon médecin. Un bon médecin, c'est un médecin qui a induit un très bon effet placebo. C'est le rapport de transfert qui a été effectivement par ailleurs documenté. Tout à fait. Et donc, il faut bien comprendre que dans tout acte médical, il y a une bonne partie qui est liée à ces effets non spécifiques, dont l'effet placebo. En matière de douleur, on sait qu'au minimum 30 à 40% de l'effet d'un traitement, quel qu'il soit, est lié à l'effet placebo. C'est intéressant. Alors, je rebondis sur cet exemple de la chirurgie. Il y a eu des exemples dans l'histoire médicale de chirurgie placebo. Notamment, j'ai lu en préparant cette émission, pour Didier Boissirat, pour la maladie de Parkinson. Pour la maladie de Parkinson, aussi pour une intervention qui consistait à aller faire une intervention sur une des artères qui irrigue le cerveau, le cœur, il y a quelques années. On a fait d'authentiques chirurgies placebo et on a pu montrer, grâce à ces études, et celles dont vous mentionnez aussi dans la maladie de Parkinson, et qu'effectivement l'effet placebo était très important. Induit par la chirurgie, c'était très important en termes d'amplitude de l'effet et surtout en termes de durée de l'effet. On pensait que l'effet placebo pouvait durer quelques semaines, quelques mois. On s'est aperçu à cette occasion qu'il pouvait durer plusieurs années. François Chaste ? Oui, on peut ajouter à cela, par exemple, un exemple qui a été publié il n'y a pas si longtemps de l'administration dans le cadre du traitement d'une douleur inflammatoire du genou, la gonarthrose. On compare l'effet de l'administration par infiltration d'une corticothérapie et du sérum physiologique, de l'eau salée. Eh bien, on s'aperçoit qu'il n'y a quasiment pas de différence entre les deux traitements. Alors, la question c'est, est-ce qu'on a vraiment utilisé un placebo lorsqu'on administre du sérum physiologique, de l'eau salée ? L'injection dans l'articulation du genou n'est-elle pas par elle-même vectrice d'une réaction de l'organisme qui peut produire les substances qui, localement, vont expliquer que le patient se sente mieux, ou est-ce qu'il faut conférer à cette administration dans le genou du sérum salé un effet placebo? Ça, c'est assez difficile de faire la part des choses entre l'action qui n'est pas une action habituellement utilisée pour avoir un résultat thérapeutique et la réalité d'un effet placebo. C'est relativement complexe parce que la véritable étude consisterait à étudier ne rien faire versus, c'est-à-dire comparer ne rien faire avec comparer quelque chose dont le malade ne s'apercevrait pas qu'il en ait bénéficié. Alors, ça a été fait plus ou moins dans l'étude que je mentionnais sur la ligature de l'artère mammaire. Et oui, le malade est sous anesthésie. Voilà, il est sous anesthésie, on ouvrait simplement la peau, on la refermait. Voilà. Et les effets ont été non seulement très intenses, enfin très importants, et duraient très longtemps. Une autre question, c'est-à-dire qu'on parle évidemment là de cadre médical. Hein, vous avez dit l'effet placebo commence quand on ouvre la porte du cabinet du médecin ou quand on s'y rend. Néanmoins, on peut constater des effets placebo sur les enfants, et d'ailleurs, qui marche peut-être même plutôt mieux sans passer par la case médecin, passer par juste la personne d'autorité, les parents, le bisou qui guérit tout, mais y compris aussi un effet placebo vétérinaire. Alors, oui, très compliqué. Peut-on étudier l'effet placebo chez les animaux? C'est une question qui s'est souvent posée. Alors, la réponse est oui, en partie, parce qu'une partie de l'effet placebo peut être expliquée par une forme de conditionnement. Donc nous sommes conditionnés tous autant que nous sommes par nos habitudes, par ce que nous avons vu, nos expériences, par ce que nous voyons à la télévision et ce que nous lisons, etc. Et donc nous avons une représentation interne de ce que peut être un effet d'un médicament. Et puis il y a un véritable une forme de conditionnement social. Et puis il y a un véritable conditionnement qui est lié aux médicaments qu'on a reçus au préalable. Et donc le fait d'avoir reçu des médicaments qui avaient entraîné un certain effet va faire que quand on va prendre un comprimé ou une autre forme de traitement, eh bien, on va s'attendre à avoir cet effet-là. Donc ça, c'est un véritable conditionnement, je dirais, pavlovien, au sens vraiment strict du terme. Et c'est ce type d'effet placebo. Ça représente quand même une bonne partie de l'effet placebo. Hein. Difficile à évaluer, mais probablement autour d'un tiers de l'effet placebo est lié à ce phénomène de conditionnement. Et c'est cette partie de l'effet placebo qu'on peut étudié chez l'animal. Et chez l'animal, on pense aussi, alors on ne va pas comparer, on va mettre sur le même plan les nourrissons et les animaux, ce n'est pas tout à fait pareil, mais néanmoins, l'action de prendre soin d'eux, c'est-à-dire la position du thérapeute, là-dedans, elle déclenche elle-même, et on va le voir dans le cerveau, des réponses neurophysiologiques qui sont quantifiables, et donc que l'on peut peut-être quantifier également de façon vétérinaire, François Chaste. Alors, de façon vétérinaire, je suis pas sûr de pouvoir répondre à la question, mais en pédiatrie, on sait que l'environnement familial des enfants est un facteur majeur de guérison de ces enfants. Vous savez, autour du placebo, il y a un adage populaire qui peut illustrer tout à fait cette notion de placebo. C'est la manière de donner est plus importante que ce que l'on donne. C'est le morceau de sucre qui a de la médecine à couler, c'est le titre de cette émission. Et donner ce morceau de sucre comme une maman peut le donner à son bébé ou à son enfant, c'est quelque chose qui illustre bien le sentiment que l'on peut avoir de cette empathie, de cette chaleur, de la transmission, du conditionnement, comme le disait le professeur Bouassira. C'est très important, cette qualité de la relation entre le soignant, ici la maman, et le soigné, l'enfant. Et donc, cette manière de donner est probablement un facteur majeur de guérison pour toutes sortes de maladies, en particulier les maladies de l'enfant. Et un dernier mot sur cette question, parce que c'est vrai qu'on a fait ici un certain nombre d'émissions autour de l'homéopathie dont l'écrasante majorité de la littérature scientifique note qu'elle n'a pas plus d'effet qu'un effet placebo. Et effectivement, les gens qui, l'argumentaire inverse, les gens qui croient en l'homéopathie disent « mais ça marche sur mon enfant » ou « il m'est arrivé de donner de l'homéopathie à mon chien et ça l'a calmé ». Donc c'était cette question, justement, il y a des études aujourd'hui, il y a une littérature scientifique qui permet de dire que les enfants et, à côté, les animaux sont aussi sensibles d'une certaine manière à cet effet. Tout à fait, oui, comme l'a dit François Chasse, il y a l'aspect environnement, la façon dont est donné le traitement, mais il y a aussi une part tout un peu plus simple, en fait, de conditionnement, tout simplement, qui opère ici. Et pour que ne pas laisser en reste les papas, ça marche avec les mamans, mais ça marche aussi avec les papas. La méthode scientifique, Nicolas Martin. On va s'intéresser un peu aujourd'hui à l'état de la littérature scientifique autour de ce qui se passe dans nos cerveaux, dans nos corps, en termes vraiment de physiologie, de neurophysiologie, de cet effet placebo. À quand remontent les premières études, François Chaste? Qu'est-ce que l'on peut dire du moment et de notre état des connaissances justement sur cet effet placebo? Alors, c'est très difficile d'évoquer un acte fondateur. D'une manière générale, il est très difficile de dissocier la notion d'entrée du placebo en médecine ou dans la recherche médicale de l'attitude que l'on a eue au fil des siècles, des décennies, autour de l'éthique médicale de la recherche. Et, par exemple, Claude Bernard, dans son introduction à l'étude de la médecine expérimentale en 1865, dit qu'on n'a pas le droit de mentir à un patient. On n'a pas le droit d'essayer chez un patient une méthode qui n'a pas été éprouvée. Et il faut attendre une centaine d'années, la déclaration d'Helsinki en 1964, pour que on revienne sur cette théorie. Alors, il y a eu un certain nombre de choses entre Claude Bernard et la déclaration d'Helsinki, mais en gros, la déclaration d'Helsinki justifie l'utilisation d'un placebo dans la recherche médicale. Ça a été un débat très important entre 1945 et 1964. 1945, c'est la découverte des horreurs, des crimes des médecins nazis. Et la déclaration de Nuremberg en 1947 qui décline un code qui limite le droit des médecins à ne plus faire n'importe quoi et à créer une organisation éthique de la médecine. Et donc le placebo naît entre 1945 et 1964 dans les essais cliniques et il va y avoir des controverses formidables autour de l'utilisation des placebos et de la recherche médicale en général. Oui, il est intéressant de noter qu'une des premières utilisations documentées, je dirais, de l'effet placebo est finalement française. C'était l'Académie de médecine, enfin, ou des sciences, qui avait chargé Benjamin Franklin et Antoine Lavoisier de démontrer l'existence ou pas du magnétisme animal. Le magnétisme animal, c'était cette fameuse nouvelle force que pensait avoir découvert Mesmer, mm-hmm. le fameux médecin viennois, qui pensait avoir découvert cette force qui avait une vertu curative. Et donc, l'Académie de médecine, dans toute sa sagesse, avait chargé Lavoisier et Franklin de démontrer l'existence ou pas de cette force. Et ils ont utilisé un faux objet magnétique et qu'ils ont proposé à des patients ou un objet magnétisé par Mesmer lui-même. Ils l'ont fait comme on le fait aujourd'hui en double aveugle, c'est-à-dire que ni le patient ni l'investigateur ne connaissaient le traitement. Et ils ont montré grâce à ça que le magnétisme animal n'existait probablement pas. Donc voilà, une des premières utilisations finalement documentée, c'est celle-là. C'était donc 1784. Et ensuite, l'utilisation vraiment en recherche clinique, ça date des années 50, surtout avec un médecin anglais qui s'appelait Beecher, qui a été un des premiers à avoir formalisé les essais cliniques utilisant le placebo et le double aveugle. Et c'est à partir de cette... qui étaient des travaux sur la douleur, d'ailleurs. Et c'est à partir de ces travaux qu'on a formalisé ensuite beaucoup plus l'utilisation du placebo dans les essais cliniques. Mais il faut bien insister sur le fait, et comme le disait François Chaste, que l'utilisation du placebo ne doit être réservée qu'à la recherche clinique. C'est intéressant, peut-être qu'il faut rappeler exactement, parce qu'on en parle souvent aujourd'hui des procédures, puisque maintenant c'est totalement standardisé, d'expérimentation thérapeutique des médicaments. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Comment est-ce que ça marche? Et pourquoi est-ce qu'on utilise cet effet placebo pour démontrer qu'un médicament fonctionne ou ne fonctionne pas? En gros, qu'est-ce que c'est que cet essai randomisé en double aveugle dont on parle tout le temps, François Chaste? Alors, vous savez, l'évaluation en médecine est, je dirais, le pilier fondateur de ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine par les preuves. Il faut démontrer une réalité pour pouvoir poursuivre dans un cheminement thérapeutique. Et cette démonstration, elle passe par la comparaison de l'effet obtenu par une substance que l'on imagine être un bon médicament par rapport à une substance dont on sait qu'elle a, elle n'a aucun effet thérapeutique, le placebo. Qu'on dit inerte, donc. Voilà, une substance inerte qui n'a jamais démontré du talc. On va prendre du talc par la bouche, et puis on va dire, est-ce que ce talc est plus efficace ou moins efficace que le médicament anti-ulcéreux qu'on va tenter d'évaluer ? Quand on a affaire à un bon médicament, le médicament anti-ulcéreux est largement plus performant que le talc. Mais c'est-à-dire, le talc, c'est intéressant, largement, c'est quoi largement, François Chastel ? Alors, statistiquement, c'est plus de 2 écarts types d'efficacité. Alors, ça n'a aucun intérêt pour les auditeurs. Mais, en gros, ça veut dire qu'on accepte qu'un placebo ait 30% d'efficacité, c'est-à-dire que 3 malades sur 10 vont être calmés dans leur douleur gastrique, si on a affaire à un médicament anti-ulcéreux. Bon, 30%, c'est un score tout à fait honorable, hein. Il y a beaucoup de médicaments qui, sont contents quand ils ont 30% d'efficacité. Par exemple, en cancérologie, hein, 30% de rémission complète, c'est un bon score. C'est très important. Mais à ce moment-là, on va demander aux médicaments ulcéreux de faire, en gros, plus de 60%, c'est-à-dire 2 fois le score du placebo. C'est parfaitement schématique. Ça dépend du nombre de patients qui ont été inclus dans l'essai et de l'objectif thérapeutique que l'on s'est fixé au préalable. Mais donc, on a ce besoin de comparaison. Et ce besoin de comparaison, dans un essai contre placebo, évidemment, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et se comparer par rapport à un placebo, c'est pas toujours très éthique. Est-ce que, par exemple, dans l'étude d'un médicament contre le sida, on va utiliser un placebo chez les patients? Non. Donc on va utiliser... Ça a été fait par ailleurs, et on en reparlera dans la dernière partie de cette émission. On reparlera des problématiques éthiques vraiment dans la dernière partie. Ce que j'aimerais qu'on comprenne peut-être bien aujourd'hui, effectivement, cet essai randomisé double aveugle contre placebo, c'est la procédure standard preuve, comme vous venez de le dire, de médecine par la preuve de l'efficacité d'un médicament. On sait aujourd'hui ce qu'il se passe dans le corps, dans le cerveau des personnes qui sont sensibles, que l'on dit aujourd'hui placebo répondeurs. On commence à le savoir, on a fait pas mal d'études depuis maintenant une vingtaine d'années sur les mécanismes de l'effet placebo. Il n'est pas aussi mystérieux qu'on l'a pensé pendant longtemps. On sait qu'il est lié à des modifications dans le cerveau, à l'utilisation de certains systèmes dans le cerveau qui nous permettent par exemple de contrôler la douleur, puisque c'est dans la douleur qu'il y a le plus d'études concernant l'effet placebo. Mais en fait, l'effet placebo est une preuve, en quelque sorte, immédiate de la puissance de notre cerveau, de la puissance de l'esprit. C'est un des meilleurs exemples qui soit de la relation esprit-corps, corps-esprit, puisque c'est effectivement la transformation d'une croyance ou d'une attente en un effet thérapeutique. Et ça passe par la mise en jeu d'un certain nombre de structures cérébrales, de systèmes cérébraux qui sont spécifiques, par exemple, pour avoir un effet contre la douleur, eh bien, on va mettre en jeu des systèmes de contrôle de la douleur. Quand il s'agit du Parkinson, où l'effet placebo est aussi très important en réalité, on a la maladie de Parkinson, eh bien là, le cerveau va mettre en jeu les systèmes qui sont impliqués dans la maladie de Parkinson. Donc en fait, notre cerveau a en quelque sorte en lui une sorte de pharmacie, et il va utiliser, en fonction de la pathologie, le traitement qui lui semble efficace. Le placebo, je parle sous votre contrôle, Didier Boissira, mais en jeu beaucoup ce qu'on appelle le système dopaminergique, c'est-à-dire que c'est... je vais vous laisser l'expliquer, système lié à la récompense. Oui, tout à fait. Le système dopaminergique est bien connu depuis pas mal d'années. Effectivement, c'est un système qui joue un rôle important dans tout ce qui est aspect la récompense, le système de la récompense. Donc, l'effet placebo au sens large fait intervenir la dopamine et les systèmes dopaminergiques, mais pas seulement. Quoi par exemple, dans la douleur, on sait que l'effet placebo dépend directement de la mise en jeu des morphines endogènes, ce qu'on appelle les encéphalines. Donc c'est les substances proches de la morphine qui sont synthétisées par notre propre cerveau. Les opioïdes internes. Des formes de morphine endogène, interne. Et donc le cerveau va aller utiliser ces morphines-là pour traiter la douleur. Mais il y a d'autres systèmes qui sont impliqués, des systèmes cannabinoïdes, par exemple, et d'autres systèmes. Bref, c'est un l'effet placebo est multiple en réalité. Il ne faut pas croire qu'il y a un effet placebo. Il en existe de nombreux et qui est adapté à chaque pathologie. Alors, on entend bien dans les systèmes, comme vient de le décrire Didier Boissira, de lutte contre la douleur, que le cerveau finalement puisse produire des morphinoïdes endogènes ou des molécules qui vont nous permettre de lutter contre la douleur. Mais quand on parle de guérison, donc d'autres types de maladies avec une composante physiologique plus importante, est-ce que on a quelques réponses, François Chasse, à ce propos-là? Dans le domaine de l'allergie, par exemple, on a un assez grand nombre d'exemples où les placebos fonctionnent plutôt bien, mais on sait que le système immunitaire est très largement lié à notre cerveau. De la même manière, on sait que l'intestin est lié à notre cerveau et dans un grand nombre de maladies digestives, l'effet placebo a sa place. Même chose dans le domaine d'un certain nombre de maladies respiratoires comme ce qu'on appelle les bronchopneumopathies chroniques obstructives ou l'asthme, en particulier chez l'enfant, où là, l'effet placebo est parfois spectaculaire. Et donc, on a... Et alors, toutes ces maladies que j'évoquais, pulmonaires, immunitaires, de l'intestin, ont toutes ce que l'on appelle, de manière un peu pédante en science, un substratum, un fondement qui est lié à des substances endogènes. Didier Boissira a parlé des endocannabinoïdes, des morphines endogènes, de la dopamine pour la douleur, la sérotonine pour la dépression, mais il y a aussi les opioïdes au niveau de l'intestin. On a des prostaglandines au niveau des bronches, au niveau de l'estomac. Et cette ingénierie chimique qui constitue notre organisme est en interrelation avec le cerveau, avec le conditionnement dont on a parlé il y a quelques minutes. Et tout ça constitue une extraordinaire machine. Didier Boissira disait, c'est un exemple fabuleux de la capacité de notre cerveau. Je dirais qu'en même temps, c'est pour nous un facteur de grande modestie dans la recherche thérapeutique, parce que on s'aperçoit qu'on déploie des trésors d'ingéniosité pour découvrir des molécules, alors que, on pourrait dire, on a tout en nous. Et donc, en même temps, ça fait réfléchir sur les objectifs de la recherche scientifique. Évidemment. Et c'est formidable de travailler sur le placebo. C'est intéressant parce que du coup, on se dit qu'effectivement, quand on écoute François Chasse, on se dit mais mon Dieu, mais que ne suis-je moi, placebo répondeur? Donnez-moi vite une granule de sucre et d'un seul coup, ma vie va être plus belle. Est-ce qu'il y a des profils particuliers? Je vais vous rassurer, vous êtes probablement placebo répondeur. On peut tous être placebo répondeur dépendant du contexte dans lequel on se trouve. Il n'existe pas de profil type du placebo répondeur, et c'est pas faute de l'avoir recherché à tous les niveaux. Et il existe probablement certains sujets qui sont un peu plus placebo répondeurs que la moyenne, mais ce dont on s'est rendu compte au fil des études, c'est que finalement, nous sommes tous potentiellement placebo répondeurs selon les circonstances et selon le contexte dans lequel on est placé. Et un patient qui peut être très placebo répondeur dans un contexte donné, par rapport à un médicament, peut ne pas l'être du tout par rapport à un traitement non médicamenteux et vice versa. Donc le même patient. Donc on voit bien que il n'y a pas de profil type et c'est ce qui fait toute la richesse de l'effet placebo. Et un dernier mot à ce propos, peut-être Didier Boissira, sur les liens aujourd'hui qui sont évidemment, François Chasse parlait de nos intestins. On sait aujourd'hui que on en a beaucoup parlé ici, que les intestins sont truffés de neurones, que c'est notre deuxième cerveau, et que donc qui dit neurone dit neurotransmetteur, et donc une action directe sur des symptômes de type côlon irritable ou ces choses-là. Colopathie fonctionnelle. Voilà. Syndrome d'intestin irritable. Dans l'intestin irritable, voilà. Mais on sait aussi, on connaît aussi aujourd'hui beaucoup mieux le lien précisément entre ce que je vais appeler grossièrement, et vous allez me corriger, l'état psychologique et l'immunodépression, ou au contraire l'inverse, c'est-à-dire finalement les liens qu'il peut y avoir entre les troubles de l'humeur et l'état général de l'immunité individuelle. Oui, tout à fait. Ça, c'est très très important de comprendre ça. C'est que ces effets, disons, non spécifiques ou de rapport corps-esprit ne se limitent pas à ceux qu'on a déjà mentionnés. François Chasse, je crois, l'a dit tout à l'heure. Effectivement, il y a un système ou deux systèmes qui interagissent de façon extrêmement importante, c'est le système nerveux et le système immunitaire. Et via ces relations neuro-, immunitaire, on peut expliquer énormément de choses. Par exemple, le fait que dans une dépression, bon, bah, on peut développer un certain nombre de maladies immunitaires ou infectieuses ou autres, voire même des cancers. Hein. Donc, on voit bien que par ces interactions très fortes, finalement, entre le cerveau et l'ensemble des autres systèmes de l'organisme, via notamment le système immunitaire, mais pas seulement, on peut agir sur à peu près toutes les fonctions physiologiques. François Chaste. Oui, on peut peut-être compléter en évoquant la cardiologie. On n'en a pas encore parlé. Dans la cardiologie, il y a... je vais donner l'exemple de l'hypertension artérielle. Il y a 13 millions de malades hypertendus en France, considérable. C'est une source d'intérêt important pour la médecine, pour l'industrie pharmaceutique. Et il n'y a rien de plus, je dirais, physiologique que l'hypertension artérielle, puisque ça se mesure, on a des tensiomètres, valeurs systoliques, diastoliques, on peut suivre l'évolution heure par heure chez un patient. Bon. Et on s'aperçoit qu'il y a un effet placebo dans le traitement de l'hypertension artérielle. En gros, qui compte pour la moitié du résultat des médicaments. Et ce qui est assez spectaculaire, c'est de voir aujourd'hui dans ces grandes publications que sont les études Cochrane en matière de recherche clinique. Vous savez, les études Cochrane, c'est des études qui rassemblent des quantités incroyables d'analyses de la littérature et qui permettent très régulièrement de faire le point sur l'état des connaissances en matière de recherche clinique et en particulier d'évaluation de la thérapeutique. Et je lisais une étude Cochrane qui a été publiée il y a quelques mois sur l'hypertension artérielle. Eh bien, on s'aperçoit que, en gros, il n'y a pas de différence entre un placebo et l'utilisation d'un diurétique à forte dose dans le traitement de l'hypertension artérielle. Ou s'il y a une différence, elle est qualifiée de faible par les analystes Cochrane, qui sont ces médecins épidémiologistes, biostatisticiens, qui évaluent les études. Sur des cohortes très très importantes. Voilà, c'est souvent des dizaines de milliers de patients. Et donc tout ça est très intéressant parce que ça montre que le cerveau est impacté, l'immunité est impactée, le système digestif, et puis le cœur aussi. Le cœur. C'est cardiovasculaire. Alors, dans le domaine cardiaque, on sait que nous avons des récepteurs de type adrénergique, c'est-à-dire essentiellement l'adrénaline au niveau cardiovasculaire qui agit sur la tension artérielle, mais d'autres facteurs comme la sérotonine, hein, il y a un facteur important lié à la sérotonine, et donc tous ces éléments qui ont été décrits pour le cerveau, pour l'intestin, pour le poumon, ils agissent en gros sur tous les organes. In every job that must be done, there is an element of fun. You find the fun, and snap! The job's a game. And every task you undertake becomes a piece of cake, a lark, a spree. It's very clear to see that a spoonful of sugar helps the medicine go down, the medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way. A robin feathering his nest has very little time to rest while gathering his bits of twine and twig. Though quite intent in his pursuit, he has a merry tune to toot. He knows a song will move the job along. For a spoonful of sugar helps the medicine go down, the medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way. Mm-hmm. Évidemment, nous n'avons pas pu résister à la tentation de vous diffuser ce morceau de sucre qui est de la médecine à couler au Spoonful of Sugar, tiré de Mary Poppins, chanté par Julie Andrews, puisque nous parlons de l'effet placebo tout au long de cette heure, en compagnie de François Chaste, qui est pharmacien des hôpitaux, président honoraire de l'Académie nationale de pharmacie, et Didier Boissira, qui est neurologue, directeur de l'unité INSERM 987, physiopathologie et pharmacologie clinique de la douleur à l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne-Billancourt. Alors, l'effet placebo, c'est un peu ce qu'on va appeler le côté lumineux de la force, puisqu'il existe forcément le côté obscur, l'exact inverse, c'est l'effet nocebo sur la racine latine de nuire. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, vous qui avez toujours l'intégralité de la liste des effets secondaires des médicaments. C'est ma passion. Vous en avez profité pour vous renseigner sur les mécanismes de cet effet nuisible. Oui, j'ai essayé de comprendre avec Stéphane Mouly, qui est médecin à l'hôpital de la Riboisière de Paris, ce qu'implique l'effet nocebo. En mai dernier, il faisait paraître dans le journal de médecine interne un article consacré justement à cet effet nocebo, et dans l'article en question, qui est une méta-analyse de nombreuses études consacrées à l'effet nocebo, on apprend que si la psychologie du patient, comme pour l'effet placebo, joue un rôle majeur, il faut aussi chercher à comprendre comment le rapport médecin-patient peut avoir une influence sur l'apparition de l'effet nocebo. Stéphane Mouly nous explique aussi pourquoi l'accès croissant à des sites internet d'information de santé ou à des forums pourrait lui aussi jouer un rôle dans l'intensification de l'effet nocebo. L'effet nocebo, il est lié à la conviction que le médicament ou le dispositif médical va être nocif. L'effet nocebo, en latin, ça veut dire « je nuirai ». Sauf que l'effet nocebo est la part des effets secondaires d'un médicament qui ne sont pas explicables par un mécanisme physiologique ou pharmacologique. C'est pour ça qu'il y a une dimension extrêmement psychologique à l'effet nocebo qui vient de la suggestion, qui vient de la personnalité. Quelles sont les personnalités particulièrement exposées à l'effet nocebo? Eh bien, ce sont des personnalités qui sont plutôt pessimistes, qui sont plutôt en opposition, qui ont tendance à anticiper la mauvaise tolérance d'un médicament et donc de craindre cette mauvaise tolérance. Ce sont des personnalités qui ne vont pas systématiquement développer un effet nocebo, mais ce sont des personnalités chez lesquelles on a plus de chances, entre guillemets, d'observer un effet nocebo. C'est ce que les neuropsychologues appellent la théorie des prévisions négatives. On peut être tout à fait en forme moralement, mais avoir une telle hantise des médicaments, une telle perception négative des médicaments, ou une telle déception de l'absence d'efficacité d'un médicament qu'on en développe des effets secondaires qui ne sont pas expliqués par un mécanisme physiologique. Alors, quels sont justement ces effets secondaires récurrents liés à l'effet nocebo et dans quel type de cas on constate une réaction de type nocebo plus récurrente? C'est une question qui est capitale parce que les signes de l'effet nocebo sont extrêmement non spécifiques. Qu'est-ce que c'est l'effet nocebo? Des maux de tête, des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales, des malaises, une fatigue, des difficultés de concentration. Tous les médicaments peuvent donner ce type d'effet indésirable. Tous, sans exception. Un médicament a deux types d'effets indésirables. Des effets indésirables non spécifiques, courants, qui se retrouvent dans l'effet nocebo. Et on estime aujourd'hui, d'après les recherches, que 17% des effets indésirables observés, ressentis ou développés à la suite d'une prise médicamenteuse sont liés à l'effet nocebo, c'est-à-dire ne sont pas liés au mécanisme du médicament. Et puis les médicaments peuvent être responsables d'effets secondaires plus spécifiques qu'on retrouve très rarement dans l'effet nocebo, des troubles du métabolisme, des troubles du bilan sanguin, des baisses de globules blancs. Ça, c'est pas l'effet nocebo, ou rarement. Aujourd'hui, on a des moyens extraordinaires. Vous pouvez aujourd'hui, par le biais de l'imagerie fonctionnelle, les PET scanners, les IRM fonctionnelles cérébrales, savoir à tout moment, quand on expérimente un effet secondaire ou un effet bénéfique du médicament, quelles structures cérébrales sont mises en jeu, quelles voies dopaminergiques, noradrénergiques, hormonales sont impliqués. Pourquoi ça a un intérêt? Parce que il pourrait, de ces recherches, aboutir à l'identification de personnalités, de structures mentales, de mécanismes physiopathologiques prédictifs de survenue d'un effet nocebo, puisque c'est de l'effet nocebo dont il s'agit aujourd'hui. Et par conséquent, on pourrait, lorsqu'on aura identifié ces éventuels biomarqueurs ou psychomarqueurs de ces personnalités à risque de développer un effet nocebo, proposer des adaptations du discours médical, sans enfreindre la loi nous obligeant à informer les malades. Mais on informe, pour l'instant, on informe tout le monde de la même manière. Le discours, il est adapté quand vous avez un médecin ou une infirmière ou un soignant, quel qu'il soit, ou un chercheur suffisamment subtil pour analyser en quelques minutes la personnalité du patient en face de qui il se trouve. Mais c'est une poignée, malheureusement, de mes confrères qui sont capables de cette sensibilité-là. Si on peut apporter à tous les médecins des moyens d'adapter le discours en fonction de ces bio- ou psychomarqueurs de personnalité ou de terrain à risque d'effet nocebo, on diminuera l'effet nocebo et on optimisera non seulement la tolérance des médicaments, mais du coup leur rapport bénéfice-risque. Alors, dans le papier que vous avez publié dans le journal interne de médecine en mai dernier, il y a un point qui est intéressant. Vous rappelez le potentiel caractère nocif de l'accès sur Internet à des informations souvent un peu faibles et pas forcément très précises sur la santé, sur la prise de certains médicaments. Est-ce qu'on a une idée, depuis l'apparition d'Internet, de l'augmentation ou non de l'effet nocebo? Et en tout cas, est-ce que Internet joue un rôle très important dans l'augmentation, en tout cas la présence de l'effet nocebo récurrent? Internet joue un rôle majeur dans ce qui peut être l'effet placebo. Quand Internet publie sur les réseaux sociaux les effets miraculeux du DHEA, la pilule de jouvence, sur le rajeunissement, la reprise d'une activité physique, la restitution de ses érections quand on est un homme, ça a un effet placebo et c'est positif. Quand dans le même temps, sur d'autres réseaux sociaux ou les mêmes réseaux sociaux, vous avez en ligne une série de témoignages sur le caractère nocif, sur les effets secondaires que certains patients apportent pour tel ou tel traitement. Aujourd'hui, on ne peut pas supprimer cet accès à l'information. C'est une information de masse, rapide, beaucoup plus rapide que notre façon de procéder, nous les scientifiques, où on a besoin de temps. Sauf que le problème, c'est que quand on ne communique pas, on laisse cette hystérie collective envahir le terrain. L'information sur Internet, elle est indispensable. Il y a beaucoup de sites où l'information n'est pas digérée, elle n'est pas interprétée, elle n'est pas analysée et elle n'est pas remise dans son contexte. C'est le rôle des médecins, c'est le rôle des savants, de ceux qui savent, c'est le rôle des pouvoirs publics de promouvoir cette communication, d'envoyer des notifications, de former les médecins à la communication, de rappeler l'importance de la relation médecin-malade. C'est comme ça qu'on peut faire une balance équilibrée avec le pouvoir de l'Internet et des médias de masse. Voilà le reportage sur cet effet nocebo en 2018 à l'ère d'Internet particulièrement. Une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, François Chaste? Je partage assez largement ce qui a été dit par le professeur Mouly. Écoutez, je crois qu'il ne faut pas non plus renvoyer une responsabilité excessive à Internet. Moi, je me souviens que au milieu des années 50, à la maison, on n'avait pas d'ordinateur, mais on avait le Larousse médical. On avait le Larousse médical qui était probablement le livre le plus important de la famille. C'est peut-être pour ça que j'ai fait les études que j'ai faites et que j'ai un frère médecin. Mais alors, on regardait souvent le Larousse médical. Moi, c'était pour de mauvaises raisons, parce qu'au tout début, il y avait des petites figurines d'un homme nu et d'une femme nue qui étaient dans les pages de garde du Larousse. Mais mes parents regardaient le Larousse médical, mais pour n'importe quoi. Aujourd'hui, on a des écrans, on a des smartphones et on regarde. Pour autant, la responsabilité de l'effet nocebo, je pense que là, je donne raison à Mouly quand il insiste sur, au fond, deux visions du monde de la part des patients. Comme toujours, il y a ceux qui ont envie de guérir et qui sont optimistes et qui sont plutôt des personnes qui vont être de bons candidats à l'effet placebo. Et puis, il y a ceux qui sont d'invétérés pessimistes, qui considèrent... Ou anxieux, que... pessimistes ou anxieux, parce qu'il y a aussi beaucoup d'hypocondrie dans l'effet nocebo. Oui, et donc, de toute façon, ce sont des gens qui sont foutus pour la médecine. Il ne faut pas dire donc... ça. Non, mais c'est pas ça. François, je ne peux pas vous laisser dire ça. Non, et donc, le problème des hypocondriaques est qu'ils sont de bons candidats à l'effet nocebo, et on le voit dans la pratique. Moi, si on a quelques minutes, il faut parler de l'effet générique, les malades qui se plaignent de l'inefficacité ou de la moindre efficacité de leurs médicaments génériques, et puis cette affaire incroyable du lévothyrox qui fait la une de nos journaux depuis maintenant un an et qui est quand même pleine de mystères pour tous les scientifiques qui la considèrent. Didier Boissira, sur cet effet nocebo plus généralement, et peut-être pour rebondir sur ce que vient de dire François Chaste, vous nous avez dit il y a quelques minutes qu'il n'y avait pas de candidat placebo récepteur ou placebo répondeur particulier, et là on vient d'entendre que malgré tout il y a un profil psychologique de nocebo répondeur. Il y a un profil psychologique, comme ça a été dit, de sujets susceptibles de répondre, d'être un peu plus sensibles que d'autres à l'effet nocebo, mais il n'y a pas non plus de profil spécifique de l'effet nocebo, comme il n'y en a pas plus pour l'effet placebo. Encore une fois, on peut tous être placebo ou nocebo répondeur selon les circonstances, selon le contexte dans lequel on se trouve. Donc ça, c'est clair. Le rôle de l'Internet, d'Internet et de l'information, eh ben oui, ça a été très très bien dit. Effectivement, l'Internet et l'information qu'on y trouve peut augmenter l'effet placebo ou augmenter l'effet nocebo. Alors après, c'est effectivement, le médecin peut essayer de rectifier, mais c'est très difficile en réalité. C'est très très difficile. Une fois que le patient vient, se trouve en face de vous et qu'il a déjà une idée très précise et très préconçue de ce que doit être son traitement et de ce qu'il peut attendre du traitement, il est très difficile de contrecarrer. Et ça, on le voit tous les jours parce que la communication via tous ces sites internet, sans parler des réseaux sociaux, elle est extrêmement puissante et beaucoup de patients se forgent une opinion très très forte à partir de ces sites et de ces réseaux sociaux. Donc, évidemment, notre travail au quotidien, c'est d'essayer de fournir l'information la plus réelle possible. Mais on est confronté à la puissance de cette communication et aujourd'hui, ça ne fait que décupler. Donc, on voit pas très bien où tout cela va s'arrêter. J'aimerais qu'on parle un peu dans les 10 grosses minutes qui nous restent de questions éthiques et de quelque chose qu'on entend depuis le début de cette émission, qui est la valorisation du rapport médecin-patient. Hein, on l'a dit. L'effet placebo commence, la guérison commence quand on pousse la porte du médecin. Les praticiens de médecine dite alternative, on en a beaucoup parlé à ce micro, prévalent d'un rapport privilégié. Hein. On parle notamment des médecins homéopathes qui disent « oui, mais nous prenons plus de temps pour passer avec les patients, etc. » Aujourd'hui, ça voudrait dire que si on écoute cette voix-là, finalement, il ne faut pas dénoncer ces médecines alternatives parce que finalement, puisqu'elles encouragent, elles maximisent l'effet placebo, finalement, il faut laisser les patients qui consultent ces médecines alternatives bénéficier de cet effet placebo, en quelque sorte, François Chaste. Je pense qu'il faut, il ne faut pas déprécier les médecins alternatifs. Parce que il y a probablement une qualité de l'acte médical lorsqu'on prend son temps, lorsque l'on évoque avec son patient je dirais, la globalité de l'individu plutôt qu'un organe pris ou un symptôme souligné au cours d'une consultation rapide. Mais comme vous le savez, autant à l'hôpital, les médecins ont du temps, en général, pour voir leurs patients. Ça, je vous laisse responsable de cette perception des faits. Quand ils n'ont pas ce temps... Un certain nombre de collègues médecins hospitaliers ne vous diraient pas la même chose. Mais... Ils peuvent mettre en place une organisation d'hôpital de jour qui permet de globaliser un diagnostic, des explorations. En ville, c'est très difficile. La situation aujourd'hui des médecins de ville qui doivent voir 4 à 5 patients par heure est une situation intenable si on veut avoir une médecine de qualité. C'est une médecine d'abattage qui n'est pas compatible avec l'attente des patients. Et donc quand ces patients ont par ailleurs des médecins qui au prix d'un tarif de consultation autre, bien sûr, l'égard d'une heure, voire davantage, et que les patients ont le sentiment du sérieux avec lequel ils sont pris en considération, alors là, on a sans doute une situation différente du rapport médecin malade et des résultats en termes de vécu de la médecine différente et donc des succès qui n'existent pas dans la médecine traditionnelle. Didier Boissira. Oui, non, le problème de le rapport aux médecines alternatives est compliqué, mais par exemple, pour vous donner l'exemple de la douleur, de la prise en charge de la douleur, dans tous les centres d'évaluation de traitement de la douleur de France et de Navarre, ou presque tous, on utilise des médecines alternatives, l'hypnose, l'acupuncture, même l'ostéopathie, sont couramment utilisées. Mais, bien entendu, ça n'empêche pas les patients de bénéficier d'autres traitements. Donc, on parle plutôt de médecine complémentaire, bien entendu, et pas de médecine alternative. Donc, on ne va pas se priver de l'intérêt de ces médecines, même si une bonne part de l'effet qu'on observe est probablement non spécifique, mais il n'en demeure pas moins que ça apporte un soulagement à un certain nombre de patients, donc on ne va sûrement pas s'en priver, mais tout cela doit se faire dans le cadre d'une prise en charge beaucoup plus globale qui ne va pas interdire aux patients d'utiliser d'autres traitements de la médecine plus conventionnelle. Et c'est là que le bât blesse avec les médecines alternatives, c'est si on les utilise uniquement comme traitement, comme seul traitement, face à des pathologies qui peuvent être très complexes et très sévères, et là on peut aller au devant de problèmes. Retarder donc, l'accès aux soins. Voilà, exactement. Donc autoriser l'utilisation des médecines complémentaires, mais en même temps que les médecines conventionnelles. Et on peut aussi avoir une pensée ou rendre hommage aux médecins de ville qui font leur travail dans des circonstances complexes que l'on connaît, qui néanmoins font leur travail le mieux qu'ils peuvent et qui ont des résultats avec des patients qui guérissent. Également, une question, par exemple, justement, pour parler des sujets qui fâchent sur la question du déremboursement de l'homéopathie. On sait que c'est dans les cartons de l'actuel gouvernement. Les médecins homéopathes sont évidemment vent debout. Ils ont publié un appel. Le laboratoire Boiron l'a co-signé. Est-ce que dérembourser un médicament, ça prive d'une partie de cet effet placebo qui est le seul aujourd'hui documenté pour l'homéopathie, François Chaste? On le verra. Il y a un certain nombre de médicaments homéopathiques qui ne sont pas remboursés d'ores et déjà. Je ne veux pas faire de publicité, mais il y a un médicament assez célèbre qu'on prend soi-disant en prévention des syndromes grippaux. Eh bien, ce médicament n'est pas remboursé, il fait l'objet de performances en matière de vente spectaculaires. Donc, je ne suis pas sûr que le déremboursement de l'homéopathie soit une épreuve mortelle pour les laboratoires pharmaceutiques homéopathiques. Et je pense qu'au contraire, la réévaluation des prix de l'homéopathie qui sera consécutive au déremboursement sera de nature à rendre encore plus précieux le remède homéopathique, au même titre qu'un médicament plus coûteux est souvent considéré comme plus sérieux par un patient qu'un médicament bon marché. Et donc la relation du prix du médicament avec son efficacité est souvent intégrée à l'analyse que l'on doit faire de l'intérêt d'un médicament placebo. Ce qui est complexe, parce qu'en France, c'est vrai que la crédibilité d'un médicament vient de son remboursement aussi. Donc on verra, comme vous disiez, on verra comment les choses vont se passer. Mais il est vrai, je comprends un peu pourquoi les laboratoires en question sont un petit peu vent debout, parce qu'il y a un risque sérieux, effectivement, de perte de crédibilité face à un grand nombre de patients. Puis si on considère habituellement, quand un médicament est déremboursé, c'est peut-être qu'il n'est pas très efficace. En tout cas, Agnès Buzyn ne dit pas qu'elle va procéder au déremboursement. Elle demande à la Haute Autorité de Santé d'évaluer ces médicaments au même titre que ce que l'on évalue pour les autres médicaments. Donc, c'est la mise à plat du système de mise sur le marché des médicaments et de leur remboursement. Et de mettre les médicaments homéopathiques au même niveau et au même régime que le reste des médicaments. Absolument. Et de faire leur preuve de leur efficacité de la même façon. Peut-être un dernier mot à propos de la possibilité pour un médecin de prescrire de l'homéopathie à un patient sur un certain nombre d'affections de type effectivement migraine, de traitement de la douleur, etc. Aujourd'hui, c'est une possibilité qui est offerte par le droit français, François Chaste? C'est très difficile. C'est une question fondamentale parce que elle implique un questionnement éthique pour lequel il n'y a pas de réponse simple. Aujourd'hui, l'utilisation d'un placebo dans la médecine officielle est soumise à une autorisation d'un comité de protection des personnes dans le cadre d'un essai clinique. Maintenant, il est probablement acceptable pour un médecin qui ne veut pas prescrire un médicament incisif, par exemple à une personne âgée pour le traitement d'un trouble du sommeil, passager ou non d'ailleurs, prescrire un médicament qui fera office de placebo plutôt qu'une benzodiazépine, c'est-à-dire ces médicaments qui multiplient les risques de fracture du col du fémur, d'accident de la voie publique, qui sont probablement assez toxiques pour le système nerveux central des personnes âgées, et probablement une alternative utile, intéressante et à considérer pour un médecin qui a en face de lui une personne qui demande une réponse thérapeutique. Je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de mensonge de la part du prescripteur s'il prescrit un placebo. Et dans ce cadre-là, il est intéressant de mentionner des résultats assez récents qui montrent en réalité qu'on peut prescrire un placebo de façon ouverte, c'est-à-dire en disant au patient qu'on lui donne un placebo. Et ça a été montré... Non, je rigole pas, c'est tout à fait sérieux, ça a été montré dans plusieurs études. On peut donc expliquer au patient qu'on va lui donner un placebo, que le placebo est en fait un produit qui a une certaine activité sur le cerveau, qui peut entraîner des effets thérapeutiques. Et il y a eu des études tout à fait contrôlées où on donnait à des patients des flacons sur lesquels était inscrit placebo et on leur demandait de prendre 2 pilules par jour. Et puis un autre groupe à qui on ne donnait rien, on l'avait expliqué aux deux groupes qu'on allait donner soit un placebo, soit rien, et avec une explication sur l'effet placebo en tant que tel, avec son effet sur le cerveau, etc. Et croyez-le ou non, dans le groupe placebo, chez les patients qui le prenaient sciemment, eh bien l'effet était remarquablement efficace et avec des effets qui sont bien supérieurs à ceux de produits dits actifs. Donc on est là face à une situation qui est très complexe, puisqu'on voit que pourquoi ces chercheurs ont été amenés à faire ce type d'études, parce qu'ils se posaient la question éthique de l'étude randomisée, puisque quand on fait une étude randomisée, on contre placebo, on trompe en quelque sorte le patient, même si lui-même a signé un consentement et qu'il est tout à fait d'accord pour participer à l'étude, mais on risque d'altérer la relation thérapeutique future, puisque d'une certaine façon on l'a trompé. Donc ces chercheurs ont cherché à vérifier si effectivement on ne pourrait pas induire un effet avec un placebo donné de façon tout à fait ouverte. Ça me faisait rire parce que juste avant l'émission, on est tombé sur un petit sketch britannique autour de cette question d'un médecin qui prescrit un placebo en disant que c'est un placebo. Ça nous a fait beaucoup rire. On va vous le remettre sur le fil Twitter de l'émission. Le lien était assez amusant. Merci en tout cas tous les deux. Merci François Chasse, merci Didier Boissira d'être venu nous parler de cette question autour de l'effet placebo. Vous pouvez comme d'habitude réécouter, suivre à nouveau cette émission sur franceculture.fr via votre application de podcast préférée, et puis toujours comme d'habitude sur notre fil Twitter @laméthodefc. Merci à toute l'équipe de La Méthode, Antoine Beauchamp, Naguette Saint-Ville-France, Céline Lezen, Tob Humnelsock, Eve Etienne, Olivier Bétard à la réalisation, Jean-Frédéric à la technique. Dans le prochain épisode de La Méthode Scientifique, au lendemain du message d'alerte du GIEC à propos du réchauffement climatique inéluctable, nous nous interrogerons demain sur la justice climatique. Faut-il créer le crime d'écocide contre la nature ? On en parle demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.